deep. The giant bad white. Yeah. On se lève comme on se couche avec un goût de sang dans la bouche. La vie m'est dégauche si t'esquives pas une te couche. On accouche nos projets, faut souffrir pour construire. On construit le mal, c'est la merde pour s'en sortir. Trop de coups tordus, trop de points prêts à partir. Bâtir, on fait quitte à partir en martyr. Grandir parmi les sorties, sans porte de sortie. L'important c'est pas la chute, c'est la mortie. Arrête de parler, what, on fait sauter, what. À tous ces fils de clebs, on balance un gros what. C'est tout deep et bad, what. Génération Mad Max, nos styles de vie ont été forgés dans le magma. Ghetto youth comme Adnan, ne joue pas les Batman. Les petits bosniaques, assis biches de billes de banane. C'est géographique, mon flow forgé au graphite. On gravite, on pose des bombes, puis on graphite. On kick set, des beats set, on défend un beefsteak. Vite fait, on vous assassine sur un mixtape. Tu t'es, nous on veut pas là pour ça. Bill Gates, ou du futur Rain Black White, c'est l'équipe, mec. On kick set, des beats set, on défend un beefsteak. Vite fait, on vous assassine sur un mixtape. Tu t'es, nous on veut pas là pour ça. Bill Gates, ou du futur Rain Black White, c'est l'équipe, mec. Ça bouge dans le tour, celle du Paris. Et si tu veux parier, t'as intérêt à le protéger. Il sera trop tard pour cavaler. Te cacher, se plier, on va trouver et plier. C'est pas doit être tout clip. On est venu donner le pire de son crâne en vomir. Alors fais pas le fou avec l'alliance où tu vivras la peur au ventre. T'as avec nous où tu cours, marche droit où le son de couche. On est pas venu pour te faire rire, ni même pour te faire danser. Mais pour t'arracher le sourire, tu déconseilles de nous baiser. Si le vent on fera la guerre, pour que tu savoures la paix. Toi t'es proche de ces têtes, tu regretteras les zones noires dans ton calendrier. Alors va du retasper. Y'a pas de beau gosse ici, mais que c'est dangereux comme en Sicile. Si tu penses que tout se vend, moi je vous rappelle que tout se venge. Une seule chose fait l'homme, le poids c'est couilles. Donc j'ai pas de pétard dans le caleçon, connard, ça gèle les couilles. On kick set des beats set, on défend un beefsteak. Vite fait, on vous assassine sur un mixtape. Tu t'es, nous on veut pas là pour ça. Bill Gates, foutu, futur Rain Black White, c'est l'équipe, mec. On kick set des beats. On défend un beefsteak. Vite fait, on vous assassine sur un mixtape. Tu t'es, nous on veut pas là pour ça. Bill Gates, foutu, futur Rain Black White, c'est l'équipe, mec. J'entame sous 12 mesures, t'inquiète, je sais que j'assure. Malgré les blessures qui mon visage fissure. Sur ma vie, je le jure que chaque mesure est un bout de ma vie, est un peu une torture. La culture, moi je l'ai, la structure, les projets. Plein de sons, moi j'ai fait, mais jamais sans sujet. On excès je produis le succès, je maudis, sale maudit. Écoute ces versets, puis applaudis. Tu rappes comme une pétasse, on arrive en déclasse. Fais place, garde des montagnes, nous on déplace. Écrase ton pilon, tu jack pas de kilo. Ou dilon, nos punchlines, on tonne pas en kilo. On kick set des beatsets, on défend un beefsteak. Vite fait, on vous assassine sur un mixtape. Tu t'es, nous on veut pas là pour ça. Bill Gates, foutu, futur Rain Black White, c'est l'équipe, mec. On kick set des beatsets, on défend un beefsteak. Vite fait, on vous assassine sur un mixtape. Tu t'es, nous on veut pas là pour ça. Bill Gates, foutu, futur Rain Black White, c'est l'équipe, mec.